C'est vrai que on parlait de coup d'État ou tentative de coup d'État, mais le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a démenti tout cela dans un communiqué. Il s'agit bien sûr d'Alkhass Omega, qui a donc démenti une tentative de coup d'État. Mon cher Bachir, à la suite de ceux qui m'ont précédé, il y a longtemps que nous considérons M. Kaboré comme étant un ennemi du continent africain. Il a confirmé ça sur la situation malienne et son sort ne nous intéresse plus. Son sort ne nous intéresse plus. Pas besoin de revenir ici sur les principes. Personne ici n'est pour les coups d'État. La place des militaires, ce sont des casernes. Il n'y a pas un débat là-dessus. Mais comme je disais quelque part à quelqu'un, vous savez, un coup d'État, vous le constatez quand il est déjà élu. Hein. Un coup d'État, on le constate quand il est déjà élu. Donc, on ne va pas venir faire le procès des gens ici pour dire que nous, on est pour les coups d'État. On n'a jamais fait un coup d'État ici, à partir d'un film de guerre. Nous n'avons jamais appelé à des coups d'État ici. Donc, le débat, pourquoi on arrête de faire des procès d'intention qui n'ont même pas de sens, qui font même pitié quand on voit ceux qui veulent faire ce genre de procès d'intention. Mais ce qui est à notre niveau, c'est que pour nous, nous ne considérons pas. M. Kaboré fait partie de ceux qui n'aiment pas le continent africain, qui travaillent contre le continent africain. C'est un sous-sous-sous-préfet de Paris. Et à ce titre-là, son sort ne nous intéresse pas. Si son maître décide de le punir, ben, il faut qu'il le punisse très bien. Ça ne nous concerne pas. Mais comme nous sommes intéressés et liés par, et au peuple de Burkina Faso, ben, à ce moment-là, on suit de près ce qui se passe. Et à ce niveau, qu'est-ce que je peux dire? Docteur Basile qui fait bien de rappeler ça. Il faut faire attention. Il faudra faire très attention tout à l'heure, Bachir. Tout à l'heure, quand on va parler des manifestations, là, je vais vous dire. Je vais insister sur les stratégies actuellement de la France et des milieux occidentaux en termes de manipulation des dynamiques soi-disant panafricanistes. Il faut faire très attention par rapport à ça. Il n'est pas exclu aujourd'hui que la France elle-même fasse des coups d'État dans ses sous-préfectures pour anticiper, n'est-ce pas, et empêcher la contamination malienne, ce qui se passe au Mali. Parce que la situation géopolitique de l'ancien précaré de la France, Bachir, fait que, n'est-ce pas, rend logique, rend juste une thèse géopolitique qui est plus qu'une thèse. Hein. C'est un scénario parmi les scénarios géopolitiques. C'est que la France peut faire des coups d'État elle-même pour anticiper sur, entre guillemets, des vraies évolutions historiques qui lui échapperaient. Donc, au Mali, la France va organiser un coup d'État contre M. Kaboré. Pour juste, au Burkina, pardon, pour placer quelqu'un qui va faire le cinéma. Même en Côte d'Ivoire, il ne faut pas exclure ça. Et à ce moment-là, c'est la France même qui va organiser ça. Parce que, je répète une fois de plus, la situation qui se passe dans le Sahel, au Mali, n'est-ce pas, justifie, Bachir, justifie, et le contraire, mais cependant même, justifie que la France essaie d'anticiper dans ses sous-préfectures. Vous savez qu'une sous-préfecture française est un pays où c'est la France qui commande. Hein? L'exemple parfait, c'est la Côte d'Ivoire. Pas le Burkina Faso, où un président n'est même pas en mesure de conforter les rapports de son état-major qui lui disent carrément que c'est la France qui est derrière tout ça, où un président n'est pas en mesure de protéger les populations civiles de son pays qui bloquent un convoi un convoi français et qui se font tirer dessus. Vous comprenez à quel niveau il y a la trahison, vous comprenez à quel niveau la réalité de la sous-préfecture, n'est-ce pas, est établie. Mais nous ne parlons pas du peuple burkinabé. Hein. Non, c'est un très grand peuple. Oui, pas du tout. Comme nous ne parlons pas du peuple ivoirien. Voilà, non, nous parlons de ces dirigeants-là, de ces pseudo-États qui n'ont d'État, qui n'ont d'État que le nom. Actuellement, Burkina Faso, mon cher Bachir, vous avez 2500 morts du fait du terrorisme, 500 forces de défense qui sont morts. Bachir. Vous avez près de 38 000 crimes recensés. C'est un chiffre officiel, hein? Gendarmerie politique, vous donne là. C'est-à-dire, la criminalité s'est multipliée à un niveau pas possible. Vous avez dans le pays 1 501 175 000 déplacés. Internes. Déplacés. Vous dites la gravité de la situation. Quand Bertrand dit qu'il n'y a pas d'État, c'est pas la blague. Ce qu'il y a là, c'est un pot de fleurs. C'est un pot de fleurs qui est posé là. Ou que quand c'est vanté. C'est pour ça qu'il parlait signer au Mali. Il n'a rien à dire. La France dit cours ici, cours. Bois la peau, il va boire. C'est-à-dire, tout ce que la France demandera à faire à ce monsieur, il va faire, mon cher Bachir. Parce qu'il n'y a plus d'État, il n'y a rien. Et il n'est pas capable de prendre ses responsabilités parce qu'il n'est pas fait pour ça. Hein? C'est un piètre politicien. Il est devenu homme politique parce que, n'est-ce pas, autour de Comporé, mon cher Bachir. Vous trouvez un vrai bon autour de Compaoré. C'est la culture du mercenariat. Ce qui a fait la grandeur de M. Compaoré, c'est quoi? C'est la trahison de son frère, l'assassinat de son frère, voire les faits d'armes de Compaoré. Si vous transformez ça en valeur politique, c'est pas ce que moi j'ai fait ici. Compaoré se réclame de quoi? Il était à côté de Compaoré. Il était là, il a travaillé avec lui, a soutenu Compaoré, tous les crimes de Compaoré. Le fait de transformer le Burkina Faso en un comptoir de terroristes où ceux-ci venaient se reposer, n'est-ce pas, se réfugier pour préparer leur coup, Compaoré était là. Et voyez tout ça, mon cher Bachir. Donc, il n'est pas capable de lutter contre ça. Sauf s'il se réunit, mais il n'en est pas capable. Pendant que l'armée pleure, vous savez ce qu'il fait? Il donne les marchés d'achat militaire à son ami, qui les détourne. Chez qui dort là-bas, autre peuple. Il a un ami là, je ne sais pas si c'est un Libanais ou c'est qui là. Chez qui dort là, au Burkina Faso, qui détourne l'argent des militaires, mon cher Bachir. Donc, il a fait arrêter un des vaillants éléments de l'armée, lieutenant-colonel dernièrement, il l'a condamné, sur la base d'une supposée dénonciation, mon cher Bachir. Tout ça entretient un climat favorable, n'est-ce pas, à une manœuvre de la France visant à précipiter un coup d'État pour mieux reprendre la main de Burkina Faso. C'est pour ça que nous sommes très vigilants. C'est pour ça que vous le voyez, on est très prudent même envers le colonel Doumbouya. Comprenez? Nous saluons les actes qu'il pose. On l'a fait ici, là. Quand le colonel Doumbouya pose un acte qui est bien, nous on salue. Mais moi, Bandakani, je suis très méfiant du colonel Doumbouya. Très méfiant. J'attends encore voir. Parce que la géopolitique, c'est plus compliqué, Bachir. C'est très complexe. C'est très, très complexe. Les techniques d'infiltration en géopolitique à ce niveau sont d'une sophistication telle que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est futé, on vous prend comme un jeu. Le colonel Doumbouya, c'est bien ce qu'il a fait. C'est dans son honneur. Il vient de poser un acte qui va aider l'Afrique. On s'en souviendra. Mais c'est un légionnaire. Et moi, j'ai appris que dans la Légion, on ne démissionne pas. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. C'est un légionnaire. Tu dois dire, il paraît qu'il a même deux femmes blanches. Donc tout ça est conscient, ça fait que vraiment, je ne suis pas là pour juger ces choix conjugaux, mais tout ça démontre, tout ça c'est compliqué. C'est compliqué. Les présidents, attends, je chute, les présidents qui prennent les épouses blanches en laissant nos belles femmes ici, là, c'est leur droit le plus absolu, mais ça pose un problème, Bachir, quand on commence à gérer l'État. On l'a vu avec, je crois, c'est Wad. Wad avait une femme blanche, non? Hein? Il avait une femme blanche, apparemment. Voilà. Ouais, Wad, vous voyez le type que nous avons là. Il dérange le continent, il prend de l'Afrique matin, midi, soir. Monsieur Ali Bongo, c'est compliqué. Moi, je préfère que les présidents africains épousent nos soeurs qui sont très belles. C'est vrai, l'amour n'a pas de race, je suis d'accord avec ça. Mais l'amour, là, est souvent rattrapé par les contraintes de la géopolitique desquelles nous ne sommes pas assez émancipés encore, mon cher Bachir. Donc, tout ça pour dire quoi, pour dire que un coup d'État, c'est que les militaires prennent le pouvoir. C'est pas ce qu'il y a eu lieu au Mali. Le Mali, c'est spécifique cette affaire. Il y a un mouvement d'insurrection populaire qui a pris près d'un mois, Bachir, dans des rues, matin, midi, soir. Et ce mouvement est pratiquement allé chercher des militaires. Et le président a démissionné. Mais quand les militaires s'organisent pour aller renverser un président, c'est autre chose. Dans ce cas, il faut observer, il faut être très prudent, parce que quoi qu'on dise, nous ne sommes pas pour des coups d'État militaires. La place de l'armée, c'est dans les casernes. Mais quand des politiciens sont incompétents, quand ils sont des politiciens par procuration, aucune compétence politique, mais ils travaillent pour que l'armée vienne au pouvoir. Et ça, on va seulement constater, hein, commenter, peut-être faire des choix pour essayer d'orienter, mais on ne pourra pas empêcher. Il ne faudra pas qu'on nous fasse donc des procédés. Hein, Afrique Média. Le monde, c'est nous.